Village Molokai, même esprit, même idéologie. Toujours sans crainte, sans kobanga. Allez à Kuala, le cerveau bleu. Achamovoto, Gilles Tsana, les plus beaux de la diaspora. Oka, oka, oka, oka, oka, oka, oka. Et que vive la musique. Et génération en génération. Papa Wemba Kaka, la voix du maire. Colonel Chomba, fidèle de fidèle. Big Master Mzuka, Kilo Bravo. des écoliers. Mon nom, le monde, ya, ya.